Le journal sud-coréen Minplus a écrit que le comité de soutien aux détenus consciencieux du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation de Corée du Sud aux États-Unis a livré le 26 août une manifestation contre la guerre et pour la paix devant la Maison-Blanche avec des religieux américains.